B. 1. Une recette. 2. Du sucre. 3. Des fraises. 4. Du persil. 5. À la basquaise. 6. De la crème fraîche.